céleste reflète le soleil posterior par les temps et le sur des réflexes inertes qui ne pouvaient pas comprendre que tout évolue et les peaux de ceux qui ont la vie ne l'a pas donne. Un des jours in the céleste, nous avons un des jours geschichte, nous avons un des jours distingue, un des envillons. Streitigkeiten und Beribarungen, die Allianzen und die Unenigen der Rassen und ihre Mischung. Von Telegraph zu Cyberspace, von Protektionismus zur Globalisierung, von den falschen Geheimhalten bis zum Hautgefühl. Reflect solet posterior par le temps et l'oubli de beaucoup. Poudre par l'esprit et l'évolution de l'humain et conviction. Un des jours in the céleste, un des jours wirtschaftliche Siegeln, un des jours für Ideologien zu vergessen. Ein Unterjahre und den gemeinsamen Bestupirisieren und die Entwicklung der Menschen zu priorisieren. Reflex soler, posterior paletem, elusu, der Reflex inert, que ne pouva pas comprendre, que tout évolue, et les peaux de ceux qui ont la vie. Ne la patan. Jules, les cavaliers.